Alolaï, alolaï, kapapaina, kalawaïa, nani ola. Le best dresseur, je me battrai sans dépit. On passe nos vacances, moi et Lily à Lola. Et la pauvre elle est comme Aquahine. Tu as eu Holiko ou Hora. Oka u Kiki au Guzma. Et Olu Olu Mayaou. 45 degrés à l'ombre. Toutes les règles ont changé. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. On passe nos vacances, moi et Lily à Lola. La mère de Lily est un peu dingue. Son frère est un hémocrate. Mon rival est un neuneu. Pokédex peut parler, c'est affreux. À la Team Skull, y'a notre pote Guzma. Et mon compagnon, c'est un chat. C'est les meilleures vacances du mois. Et au lu Mayaou.